Alors, d'abord, c'est pas n'importe qui, on va la présenter, ouais. Elle, Jeff. Ça, c'est la matricule 728 du service de police de la ville de Montréal. Elle est devenue connue pourquoi, elle? Elle est devenue connue parce qu'elle avait poivré des manifestants pendant des manifestations à l'occasion du fameux, ce que eux autres appellent le printemps érable. C'est cette policière-là qui est ce que j'oserais appeler en toute, avec beaucoup de tendresse, une belle grosse fille. Parce que les policières, on les voit souvent, on critique même peut-être leur petitesse, tu sais, à certaines égards. Elle rentre pas dans le standard, petite fille, là. En fait, si j'étais un gars, je patrouillerais avec elle, me sentirais en sécurité. OK. OK? Non, mais elle fait solide, là. Écoute, c'est un... Donc, elle... D'ailleurs, elle le dit dans l'enregistrement. Elle a poivré du monde, elle rentre dedans solide, puis elle les aime pas, les carrés rouges, OK? Tout ce qui rime plateau, Mont-Royal, gauchiste, etc. Ça, on le savait pas avant, là. Ben là, tu vas le savoir tantôt, ouais. Tu vas en serrer. Elle... En passant l'événement, là, ça avait vraiment circulé beaucoup sur YouTube, puis... Ouais, parce qu'on la voyait poivrer apparemment sans raison. Il reste que c'était à l'époque des manifestants, des carrés rouges, mais bon. La matricule 728 du SPVM est en train de devenir une icône mondiale de ce qu'est la représentation de la répressivité policière dans le monde. Là. Ouais. Elle se promène partout. Alors, là. On s'imagine qu'elle a dû être victime, elle a dû être ciblée un peu. Mais alors, là, qu'est-ce qui s'est passé là, qui amène l'enregistrement? Ouais, c'est ça. L'enregistrement dure 7 minutes. Je vous ai raccourci ça en un petit peu moins de 4 minutes parce qu'il y a des longueurs. On se demande toujours qu'est-ce qui se passe dans le char de police quand la personne appelle son supérieur pour y faire un rapport sur l'intervention. Une intervention qui a mal tourné parce que tout ce qu'elle voulait faire, elle, c'est arrêter un gars qui prenait une bière sur la voie publique, qui était assis en face de son appartement dont la porte était ouverte. Elle a dit à son partner, « Parque-toi là, on va aller le voir, il n'y a pas le droit. » C'est un règlement municipal. Vous allez entendre pendant l'enregistrement le terme RM. RM, c'est pour règlement municipal. C'est une petite arrestation, tu sais, des fois, il donne l'étiquette. Bon. Mais là, ça vire mal. Là, ça vire mal parce qu'à un moment donné, ça se met à sortir de partout. Elle les appelle les rats. OK? Les rats sortent de partout, puis à un moment donné, ils sont 6-7 autour d'elle, qui a crié, puis qui l'invective, puis là, ça se met à chier, mais pas à peu près, OK? Et là, vraiment, là, en tout cas, tu vas l'entendre, là, elle raconte, après que tout ça soit fini... Elle raconte ce qui s'est passé. En fait, elle saisit le cellulaire, le téléphone iPhone, d'un des belligérants, personnes, d'une personne qui a été arrêtée. Par mégarde, elle appuie sur « record ». Donc, tout ce qu'elle dit dans l'auto de police est enregistré à son insu sur l'appareil d'un manifestant qu'elle a arrêté. Sans qu'elle ne s'en aperçoive. Pourquoi on le sait maintenant, c'est que le manifestant est allé récupérer son dû, puis s'est rendu compte que c'était tout tapé. Mais cette conversation-là, on devrait pas le savoir, en fait. On écoute ça, donc. Elle est enregistrée à son insu après une arrestation qui a mal tourné sur le plateau Mont-Royal. Ça donne ceci. Oui, le tabarnak. Ça va faire, les deux autres. Hey, tout ça pour une vieille dent. Si tu veux prendre ta gueule, si tu prends ton ticket, ta gueule, si tu fais un homme de toi. On la collectera pas, mais inquiète-toi pas, on n'a pas fini. Vous savez ça, je te dis, je vais te fourrer. On n'a pas fait des paix à soir, mais là... Allô? Non, on est correct. C'est juste que pour une bière, tu sais, c'est comme si des esprits sans cœur, là. Ben, ils ont pas sauté dessus parce que Chris, écoute, si tu veux sauter sous moi, tu vas avoir du fun, là. Là, je dis à Kevin, parque-toi. Là, il y a un gars qui boit une bière, là, avec 3-4 gratuits de guitare, tu sais. Je dis, le gars, il boit une bière, on va aller l'intercepter, tu sais. Tu sais, il va pas boire de bière. Mais là, quand il nous voit, moi, j'ai pas le temps de m'inscrire. Quand il nous voit, lui, il veut se pousser, hein. Fait que, pis là, la porte de l'appartement est là, tu sais. Fait que moi, je le grabe, je dis là, faut que tu t'identifies. Ouais, tabarnak, pas d'affaires, t'es qui, tout colis, ni gna gna, j'ai un gamin, là, tu bois une bière, tu t'identifies, pis ça vient de finir là. Puis il a commencé à se redire, pis il voulait rien savoir. Fait que là, on a sauté dessus, pis là, on a commencé à se battre avec pour le menotter, parce qu'il était quand même assez raide. Là, on a réussi à le menotter, mais là, pendant ce temps-là, tous les rats qui étaient en haut dans les gratteux de guitare, c'est tous des hosties de carrés rouges, là. Des artistes, en tout cas, des mangeurs de marbre. Et là, ils ont comme tous commencé à sortir de l'appartement, tu sais. Fait que là, Chris, sur le trottoir, on s'est levé à la tête. Chris, il y en avait presque 6-7 autour de nous autres qui criaient, là, c'est là, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'entends, c'est toi, ça, 728, t'as si grosse bâche, puis tu vas-tu le poivrer, tu vas-tu sortir ton poivre, est-ce que tu tiennes, puis ouais, tu te le tralala, tu sais. On finit de le menotter, et puis là, le sticker qui me crie des noms, puis qui me traite de ce que tu voudras, moi, je l'enligne en esti, là. Fait que là, il se pose dans l'appartement, fait que là, moi, je rentre dans l'appartement, je pars à courir, c'est comme un deuxième. Là, je monte les manches, je grabe le stick cave. Là, le jeune, il est poigné avec le stick taouin dehors avec les menottes. Là, il me voulait plus. Fait qu'il laisse le taouin là avec les menottes, il vient me rejoindre en haut. Là, je saute sur le stick trou de cul. Évidemment, il se laisse pas faire. Là, l'encolure, si, j'étais en train de l'étouffer. Là, je me bats avec des escaliers. On se bat avec des escaliers. Là, tout le monde nous encercle, tout le monde nous filme, tout le monde nous crie après. Finalement, il flux que je lève le ton puis je commence à sauter ma coche pour qu'il se disperse. Puis là, pendant ce temps-là, il y a un autre stick con qui a pas rapport, une platonienne du nowhere qui est là, qui filme, puis que ça fait 12 fois que je dis de s'en aller, mais elle continue à filmer. Fait qu'elle a été bookée en 30. Fait que là, on a appelé des chars parce qu'on n'était pas inscrit nulle part, puis on a 4 bookés. Tu sais, on a 2 grimpés pour intimidation, parce que 7-2-8, crise de grosse vache, puis tout ça, c'est de l'intimidation. Le cave avec la bouteille, ben lui, c'est RM entrave, puis voici la police va être libéré. L'autre qui filmait, ben on a saisi 2 caméras, puis là, on s'en va faire aussi pour 3-4 heures de patrouille. Puis là, il y avait du pot là-dedans, puis en tout cas, c'est des graines, des caves, tout ça pour une bière, tu sais. Ben, ça me fait chier, écoute, j'ai jamais collé un 10-07 pour un RM, là. On n'a pas poivré, on n'a pas pété des faces, là. Ben... Non, personne n'en a nulle part, ben, à part les crottés, là. Les crottés, eux autres, ils ont mal, là. Ils sont tous hostiles, mais je comprends pas, c'est irréel. Ben ouais, c'est cigale. Tu t'ostines avec la police, puis tu te bats avec la police, c'est cigale. Parce que là, OK, je vais me faire essayer tout le temps de même, mais si je vais me faire reconnaître, je vais me faire écœurer, esti, à tout bout de champ. Puis là, en plus, j'étais avec un jeune, esti, là, à un moment donné, là. J'ai pas commencé à coller des 10-07 à toutes les colis de chiffres que je fais, là, quand même, là. C'est sûr qu'il faut faire ça legit parce qu'on est filmé puis c'est des artistes puis là ils vont se faire défendre. Ils vont se faire défendre par des avocats gratos là. C'est tout filmé. Ha! Tout est filmé, tout est filmé de A à Z. Les ordres, style, les pourquoi ils sont arrêtés. T'es en train de m'entraver. Si tu continues, je vais te faire une encolure jusqu'à temps que tu tombes inconscient. Regarde, tout est. Tu sais, c'est tout A1, c'est tout legit là. Aïe aïe. Sylvain, voulez-vous prendre pour épouse matricule 728? Non, mais hey! J'avoue, comme chroniqueuse. Sérieux. Parce qu'elle a plus de job. Hey, on peut-tu offrir une job? Ben, en fait, elle a été relogée dans les bureaux. Mais moi, j'avoue, comme chroniqueuse. Qu'elle nous compte la vie à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. Ben, la vie d'une policière. Mais c'est pas là qu'elle patrouillait avant. Son épisode de Porte de Cayenne, moi. Ils l'ont changé de place. Justement, parce que là... Je viens de changer d'idée, parce que moi, j'ai regardé Radio-Canada hier, ils ont pas tout passé. Ils ont juste passé le bout où elle dit, c'est des astis de carré rouge, artistes. Moi, hier, j'entendais ça, je me dis, on a tombé mêlé, elle dehors, mais moi, ça dehors tout de suite. Là, j'ai tout entendu. Ils ont résisté à l'arrestation, ils ont voulu se battre avec elle, ils l'ont intimidée, c'est une agente de police. OK! Elle est mal engueulée. On va s'entendre là-dessus, là. Elle est... vraiment mal engueulé. Mais attends peu. Elle parle pas en public, là. Elle parle pas en public. Non, elle est dans son char. Elle est dans son char. Supérieur, mais elle manque de respect envers les prévenus et elle est mal engueulée. Il y a du langage là-dedans qui est inacceptable. Les platoniens, je la connaissais pas. Les platoniens, les carrés rouges d'artistes. Les petites graines. Non, mais on s'entend, les gratteux de guitare. Je répète, elle est mal engueulée. Oh oui. Mais c'est-tu normal que quand la police arrive pour faire une arrestation banale en passant, les gens intimident, se jettent sa police, veulent se battre, et résistent, filment, fuient, je m'excuse. Ah, ça travaille mal, ça. Non, il faut mettre ça dans le contexte, là. C'est tout le contexte du printemps érable où les policiers sont devenus l'ennemi à battre pour les anarchistes carrés rouges à Montréal et là, il n'y avait plus aucun respect de l'autorité et de l'ordre. Je suis pas en train de la blanchir totalement. D'ailleurs, elle a été relevée de ses fonctions. Je pense que c'était nécessaire. Oui, ils l'ont mis parce dans le que elle a, il avait pas le choix. Le langage qu'elle utilise est nettement inapproprié. Je la défends pas, quoique, regarde, moi je passe sur la radio, mais je suis passant, capable de vivre elle, avec ça. Sa photo de sa maison et son adresse personnelle, oui. C'est maintenant sur Facebook. Oui, il faut qu'elle change de place. Là. Ils ont tous mis ça sur Facebook. Ah. Et c'est une vedette mondiale. C'est pas rien. Il y a eu des gestes d'intimidation graves qui ont été posés pendant les carrés rouges, les cagoules à l'école, les tous les objets qui ont été lancés. Les briques dans le dos des policiers, comme nous fait remarquer un auditeur, là. Hey, vous souvenez-vous du policier à Victoriaville qui a été battu? Ah oui, un grand coup de barre, okay. Je sais pas quoi. OK. Est-ce que vous vous souvenez de qui l'a battu? Avez-vous une idée, c'est qui son nom? C'est qui ce crotté-là qui a battu un policier? Non, hein? Non! Ça intéresse pas les médias, ça intéresse pas Radio-Canada, ça intéresse pas les gauchistes de voir qui a battu un flic en uniforme qui a été traumatisé en passant. On a jasé avec le grand-père de ci. On avait eu quelques scoops là-dessus. En fait, dans cet épisode-là, on a plus là. Tapé sur les flics de la SQ qui étaient intervenus un 4x4 pour le sauver que sur ceux qui y ont donné des grands alors, coups de baguette de je sais pas quoi. Je m'excuse à matin, il doit pas être le seul. Là. Je répète que son langage est inapproprié, ça manque de respect, il y a des choses là-dedans qui méritent. Mais dans l'événement comme tel, je comprends. Je comprends des policiers d'en être venus à bout d'à chaque fois qu'ils... Elle dit, à un moment donné, il veut juste donner un petit ticket. C'est un ticket de bière, maudite merde. On se ramasse, sont 7-8 autour, à nous intimider. Ils sont juste deux, puis il y a une femme, puis ils la reconnaissent. Puis qu'elle... Oh, je m'excuse, aux États-Unis, ça passerait pas ça. Les gens comprendraient tout que toute façon, ça aurait brassé plus sale que ça, là. Dans bien des pays du monde, là, tu n'encercles jamais, tu n'intimides pas un flic. Dans certains cas, c'est pas le poivre de Cayenne qui vont sortir. C'est d'autres choses. Comme elle le dit d'ailleurs dans l'enregistrement, on n'a pas battu personne, on a réagi, là. On n'a pas poivré, ça me tente en glisse, etc., là. Mais on est legit partout, tout est filmé. De toute façon, c'est parfait que ça soit filmé pour cette fois-là pour elle. Parce que ça a été saisi, puis... Ouais, mais on n'a pas tout vu, là. Les images que Radio-Canada nous montre, tu vois pas quand il l'insulte, tu vois pas quand il l'encercle, quand il l'intimide. Fais bien attention, là. C'est sûr que là, elle est ciblée. Mais c'est ça, t'écoutes ça, là, pis c'est raide. Mais en même temps, là, sortez de chez un client que vous avez pas aimé, qui vous a eu, ou quoi que ce soit, vous êtes avec un collègue dans l'auto, vous jasez. Tu sais, être filmé à son insu, là, ou être enregistré, nos conversations sont pas tout le temps politically correct. On t'en donne un autre, José. Quand tu pognes un ticket dans ton char pis le policier s'en va, c'est quoi que tu dis? Il est arrivé cette semaine. Hey, c'est quoi t'as fait? Veux-tu l'enregistrement? Ouais, non, ouais. Tu veux pas. Non, mais c'est un super bon exemple. Tu verrais-tu ça, Jeff? Oui, un concurrent à la radio, t'as TP. Puis là, il passe ça. Voulez-vous savoir ce que Jean-François Gilbert pense de la police? Hey, je m'excuse, quand t'es dans ton char puis tu parles, là, puis tu sais que ça veut pas dire que... c'est ça. Puis t'as le droit de péter une coche de temps en temps. Mais hier, la police, évidemment, à Montréal, a réagi quand Radio-Canada les a appelés rapidement. Ils l'ont tout de suite mis dehors. Même le journaliste à Radio-Can, Sébastien Bovin, était surpris. Il dit, d'habitude, vous prenez votre temps avant de mettre dehors des policiers. Souvent, ils sont accusés d'actes criminels. Puis là, tout de suite, vous êtes en onde. Ils ont-tu peur? Ils ont-tu la chienne des médias à Montréal, la police? C'est devenu une situation ridicule. Ça aurait jamais dû arriver, cet événement-là, dans une province normale où on respecte l'autorité. Le reste, bon, ce qu'elle a dit, il y a bien des sacs là-dedans, je le sais. Il y a bien des surnoms qu'elle donne aux gens qu'elle ne devrait pas donner. Là, je défends pas ça, mais j'en comprends. Puis si elle perd sa job, chroniqueuse au FM 93, je l'attends.